Guide pédagogique, test 5, compréhension de l'oral. Écoutez le dialogue une première fois. Lisez les questions et le document. Écoutez le dialogue une deuxième fois et répondez. Allô? Allô, Sophie? Ah non, c'est Cécile. Je suis sa sœur. Sophie est sortie. Ah, excusez-moi, vos voix se ressemblent. Pas de problème. Vous voulez laisser un message? Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez dire que Marius a téléphoné? Je travaille avec elle. Je viens de trouver son téléphone portable au bureau. Je le laisse en bas, à l'accueil de l'entreprise. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Elle vient de chercher son portable partout. Je laisse un mot sur la table pour lui dire la bonne nouvelle. Je vous laisse le numéro de téléphone direct de l'hôtesse d'accueil? Elle attend son appel. Oui, s'il vous plaît. C'est le 01 44 86 79 94. C'est noté. Merci, monsieur. Bonne soirée.